On va parler de hockey. Il y a une équipe qui va très très bien, c'est les Loups de Dolbeau-Mistassini. Les Loups qui sont de formation midget, qui ont remporté trois des quatre tournois cette saison. Question de savoir davantage, on parle avec l'instructeur-chef Sylvain Tremblay. Salut Sylvain. Bonjour, bonjour. Sylvain, si on y allait maintenant avec qu'est-ce qui fait la force de votre équipe? Cette année, ben, vu qu'il n'y a pas de budget double lettre ici dans le coin, c'est sûr que on a quand même un bon potentiel, un bon fond. Sauf que cette année, il y avait seulement que 32 joueurs au camp pour le budget double lettre. Donc, vu ça, ben, c'était pas possible vraiment de faire une équipe double lettre. Plusieurs joueurs étaient partis aux études, plusieurs joueurs étaient à l'extérieur, là. Fait que c'est sûr que l'absence des castors cette année a sûrement été quelque chose à notre faveur. Sauf que, comme j'ai dit, en ayant très peu de joueurs comme ça, là, c'est sûr que ça a quand même, dans un sens, favorisé aussi l'équipe qu'on a présentement. OK. La force d'équipe se situe attaque, défensive, bon jeu d'ensemble, quoi? Moi, je dirais c'est plutôt l'ensemble, parce qu'on a beaucoup de joueurs là, qui proviennent de différents niveaux dans les dernières années. Là, OK. on a quelques joueurs qui avaient joué dans les castors, on a quelques joueurs qui avaient joué midget A, quelques joueurs qui avaient joué midget B, des joueurs qui arrivaient aussi du Bantam. On avait des joueurs quand même qui étaient assez différents. Puis depuis Noël, ça va très, très bien. Avant Noël, c'était un peu plus difficile de mettre tout ça ensemble. Mais une fois que les gars ont compris le message puis ont décidé d'embarquer puis de pousser tout dans la même direction, ben je dirais que c'est ça un petit peu plus notre force, c'est la cohésion dans l'équipe, le vouloir des flots. Ça, c'est un gros plus pour notre équipe. OK. Le calibre, s'est-il amélioré? Es-tu vraiment fort cette année dans le... Ben moi, je suis quand même resté surpris là, justement du fait que oui, le calibre est très très fort. Il y a d'excellentes équipes au Saguenay, il y a une excellente équipe à Saint-Félicien. Puis c'est des équipes qui sont un petit peu comme nous autres dans le fond, là, sauf que les autres ont un meilleur bassin. C'est qu'on retrouve là-dedans des joueurs d'à peu près tous les niveaux. Puis il y a des joueurs souvent qui ont choisi de jouer justement dans le midget A, là, si je pense là à Saint-Félicien ou même les autres à l'extérieur. On a des joueurs qui ont joué du double lettre, puis qui jouent cette année dans le simple lettre, puis qui fait que le calibre est quand même très intéressant à voir aller, là. OK. Si on y allait maintenant avec la fin de la saison des Loups, là, vous avez gagné trois tournois. J'imagine que ça va être quand même, ça va vous donner vraiment une belle, dont deux consécutifs. Je pense que à Dolbeau et à Saint-Ambroise la semaine passée, ça va vous donner une belle élan, ça, d'ici la fin d'année en série. Ah, c'est sûr que là, notre saison est terminée. On a terminé, comme vous dites, avec deux gros tournois qu'on a remportés. Là, on est en attente des séries. On a eu une très, très belle fin de saison là, depuis Noël. Là, on peut pas dire que l'équipe a eu trop de difficultés. On a très, très bien joué. Les gars sont prêts, je pense, pour les séries qui devraient commencer aux alentours du 10 ou 11 mars, si je me trompe pas. OK. Là. Présentement, on est en pause. Y a-t-il des joueurs qui, du côté des Loups, s'il y aurait eu du midget 2B qui aurait fait l'équipe, ou qui aurait pas fait l'équipe? Alors, c'est sûr qu'on a, comme je vous disais, là, comme un peu les autres équipes à l'extérieur, on a quelques joueurs là, qui étaient déjà dans l'édition des Cachetards l'année passée. On en a 3-4 là, qui auraient été. C'est sûr qu'ils auraient eu deux places. Mais avant tout ça, là, comme je disais, là, c'est plus un travail d'équipe ici qui a fait que tout le monde, là, on était capable de s'adapter, puis on était capable de suivre les autres équipes. Ils nous ont donné de la misère. Je peux pas dire qu'on a dominé toute l'année. Je peux pas dire que ça a été facile toute l'année. Mais le fait, justement, qu'on a des bons vétérans à défensive, un bon gardien de but, puis des gars à l'attaque qui se complètent, qui sont capables de se comprendre ensemble, là. Tout ça ensemble, là. Puis surtout un esprit d'équipe qui est assez spécial, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gars qui étaient contents de jouer ensemble eux-mêmes, puis qui se faisaient confiance. Ben, je pense que tout ça mis ensemble, là, ça fait que présentement, on est peut-être là dans notre pic, là, puis je pense qu'on a des belles choses qui peuvent s'en venir pour les prochaines semaines. OK. Si on parlait de l'équipe, hein, contre qui vous allez affronter la première ronde des séries? Ben, présentement, pour les séries, c'est plus un tournoi à la Ah, ronde, là, OK. puis qu'on va jouer présentement contre le Lac-Saint-Jean, là, qui regroupe Alma, Métabetchouane, Robertval, Mastelliage, Saint-Félicien. Ça devrait être ça. Puis le gagnant là, des séries qui vont jouer va se prendre normalement contre le gagnant du Saguenay. Là. Donc, c'est plus un mode d'avoir un tournoi à la ronde que des 4 de 7 ou des 3 de 5 qu'on va affronter présentement. OK. Ben, Sylvain Tremblay, félicitations. C'est pas mal le fun d'avoir une équipe compétitive comme la vôtre. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas du midget 2B cette année. C'est le plus haut calibre qu'on a dans le Boom Sesné. Oui, puis je pense que les garçons ils ont bien apprécié aussi d'avoir l'appui des supporters qui ont, même si, comme on disait, là, en n'ayant pas de midget 2B, on peut voir que les gens là, ils ont quand même suivi l'équipe, puis ils nous ont supportés. Ça, c'est très apprécié de la part des entraîneurs, des joueurs et des parents aussi d'avoir l'appui de notre ville. C'est tout à fait très, très plaisant. OK. Voilà, donc l'instructeur-chef des Castors de Debeau, Sylvain Tremblay.